Le Roc, de poèmes, nouvelle série par Émile Verhaeren. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Roc. Sur ce roc carrier qui fait souffrir la mer, quels pas voudront monter encore? Dites, quels pas? Dites, serai-je seul enfin? Et quel long là écouterai-je debout devant la mer? C'est là que j'ai bâti mon âme. Dites, serai-je seul avec mon âme? Mon âme, hélas, maison d'ébène, où s'est fendu sans bruit un soir le grand miroir de mon espoir. Dites, serai-je seul avec mon âme en ce nocturne et angoissant domaine? Serai-je seul avec mon orgueil noir, assis en un fauteuil de haine? Serai-je seul avec ma pâle hyperdulie, pour Notre-Dame, la folie? Serai-je seul avec la mer, en ce nocturne et angoissant domaine? Des crapauds noirs, velus de mousse, y dévorent du clair soleil sur la pelouse. Un grand pilier ne soutenant plus rien, comme un homme, s'érige en une allée d'épitaphe de marbre immensément dallé. Sur son étang d'yeux ouverts et de reptiles, des groupes de cygnes noyés, vers des lointains de soie et d'or broyés, traînent leur suicide tranquille parmi des phlox et des jonquilles. Et du sommet d'un cap d'espace, d'étranges cris d'oiseaux marins, les becs aigus et vipérin chante la mort à tel qui passe. Sur ce roc carrier que recreuse la mer, dites, serai-je seul avec mon âme? Aurai-je enfin l'atroce joie de voir, nerf après nerf, comme une proie, la démence attaquer mon cerveau et détraquer malade, sorti de la prison et des travaux forcés de sa raison, d'appareiller vers un lointain nouveau? Dites, ne plus sentir sa vie escaladée par les talons de fer de chaque idée, ne plus l'entendre infiniment en soi, ce cri, toujours identique, ou crainte ou rage, vers le grand inconnu qui dans les cieux voyage, croire en la démence ainsi qu'en une foi. Sur ce roc carrier que détraque la mer, vieillir, triste rêveur de l'escarpé domaine, les chairs mortes, l'espérance en aller, à rebours de la vie immense et désolée. N'entendre plus se taire, en sa maison d'ébène, qu'un silence de fer dont auraient peur les morts, traîner de longs pas lourds en de sourds corridors, voir se suivre toujours les mêmes heures, sans espérer en des heures meilleures. Pour à jamais clore telle fenêtre, tel signe au loin, un présage vient d'apparaître autour des vieux salons, aimer les sièges vides et les chambres dont les grands lits ont vu mourir, et chaque soir sentir les doigts livides, la déraison sous ses tempes mûrir. Sur ce roc carrier que ruine la mer, dites, serai-je seul enfin avec la mer? Dites, serai-je seul enfin avec mon âme? Et puis, mourir, redevenir rien, être quelqu'un qui plus ne se souvient et qui s'en va sans glas qui sonne, sans cierge en main, ni sans personne, sans que sache celui qui passe, joyeux et clair dans la bonasse, que le nocturne et angoissant domaine, en deuil de sa maison d'ébène, où plus ne brûle aucun flambeau, renferme un mort et son tombeau. Fin de Le Roc, enregistré par Margot.